بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Donc mes frères bien-aimés, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à tous sa clémence, sa bienfaisance et ses subtils bienfaits, et qu'il fasse que cette assise soit une assise de bien et bénie, et qu'il fasse que si on se sépare après cela, la séparation reste une séparation sur le bien, avec l'espoir de se rencontrer et se réunir soit dans ce monde, soit dans l'autre monde, dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa azzawajal. Amen. De par la grâce d'Allah subhanahu wa azzawajal, nous poursuivons les cours de cette soirée qui sont des cours de tawhid à travers lesquels nous sommes actuellement en train de faire, de citer les merveilleux noms d'Allah azzawajal, les noms d'Allah les sublimes, les plus beaux. Et nous sommes actuellement en train de citer le nom d'Allah azzawajal al-latif, le subtilement bienfaisant. La fois passée, nous avons cité une introduction concernant ce nom, en citant la définition. Et aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, on va commencer par reprendre très rapidement cette définition pour se la remémorer, se la rappeler et la voir présent dans l'esprit lorsque on écoutera ce qui suivra, Inch'Allah Azza wa Jal. Et c'est auprès d'Allah Subhanahu Azza wa Jal que j'implore que ce qui soit dit soit correct et conforme, et qu'il nous pardonne toute erreur qui puisse s'infiltrer dans ses propos. Amen. Donc, le nom d'Allah Azza wa Jal al-Latif, le subtilement bienfaisant, le subtilement connaisseur et bienfaisant. Nous avons dit la fois passée que ce nom comporte trois significations, trois sens. Et ça, encore une fois, ça fait partie de la grandeur de ces noms, de la richesse de ces noms, et du fait que ces noms ne soient pas comparables aux noms des êtres humains et de tout ce qui concerne la création d'Allah Azza wa Jal. En effet, les noms d'Allah Azza wa Jal peuvent avoir différents sens. Et tous ces sens sont voulus. Ça fait partie de la perfection de ces noms. Le premier sens de ce nom, c'est que Al-Latif, c'est celui qui connaît les choses dans leur profondeur et il connaît les choses subtiles et cachées. Les choses qui n'apparaissent pas, les choses dont les gens n'imaginent même pas d'existence, Allah Azza wa Jal les sait, il les connaît, subhanahu wa ta'ala. Et si Allah Azza wa Jal connaît ces choses cachées, subtiles, inapparentes, à plus forte raison, il connaît les choses qui sont apparentes, claires et évidentes. Le second sens de ce nom, c'est celui qui fait parvenir ses bienfaits et ses grâces à ses serviteurs avec douceur et de manière subtile. Donc il y a deux éléments essentiels. Ces deux éléments les citent les savants. Donc il fait parvenir ses bienfaits à ses serviteurs avec douceur. Pas d'une manière brusque, trop forte, trop dure. Avec douceur, avec subtilité. Et en plus, de manière dont les gens ne s'y attendaient même pas, n'imaginaient même pas, n'ont même pas œuvré dans ce sens. Et Allah Azza wa Jal leur fait parvenir ses bienfaits Azza wa Jal. Les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal fait parvenir à ses serviteurs peuvent être un bien qu'il leur accorde ou bien un mal dont il les préserve. Les deux sont des bienfaits. Qu'il t'accorde la santé, c'est une chose, c'est un bienfait. Et qu'il te préserve d'une maladie, également, c'est également un bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et ainsi de suite. Ces bienfaits concernent les biens de ce bas monde. Ils concernent aussi les biens religieux et les biens de l'au-delà. Il ne faut pas uniquement penser aux bienfaits comme le rizq, comme la santé. Certes, ça rentre dedans, sans aucun doute. Mais parmi ce qui rentre dedans, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal religieux. Et Inch'Allah Azza wa Jal, on va rapporter quelques exemples que Cheikh Saadi a cités. Et on verra cela. Et également, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal de l'au-delà. En termes de récompenses multipliées, en termes de pardon, en termes d'absolution des péchés, et beaucoup d'autres choses. Tout ceci rentre dans cette subtilité de bienfaits venant d'Allah Azza wa Jal. Donc, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal concernent ta guidée. On citera, Inch'Allah, si Allah nous permet, comment Allah Azza wa Jal a guidé les gens qui étaient dans un égarement, que ce soit dans la mécréance, comment il les a ramenés à l'islam, ou que ce soit dans un égarement, comment il les a ramenés à la droiture. On verra que Allah Azza wa Jal a guidé des gens de manière très différente. Très très différente. On est dans un pays où, alhamdoulilah, qu'Allah Azza wa Jal augmente ses bienfaits sur nous, il y a plein de convertis. Et c'est très rare où tu vois que deux convertis se sont convertis de la même manière. Un, il s'est converti pour telle raison, l'autre pour telle autre raison. Il y a des gens qui se sont convertis parce qu'ils ont voulu chercher des failles dans l'islam, et finalement, ils n'ont vu que la beauté de l'islam, et ainsi de suite. Donc, ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal concernent également la religion et concernent aussi l'autre monde. Donc l'au-delà en termes de bonnes récompenses et de pardon, etc. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jal englobent également ce que les gens savent et ce qu'ils ne savent pas, ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils sont, ils ne perçoivent pas du tout, et ce à quoi ils s'attendent et ce à quoi ils ne s'attendent pas du tout. En effet, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous accorde et nous octroie à travers ce noble nom Al-Latif, ça peut être des choses que nous savons. On sait qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé la santé, donc on peut le savoir. Mais des fois, on ne le sait pas. Peut-être que on a été touché par un virus mortel et qu'Allah Azza wa Jal a fait qu'on a pris un remède naturel ou on a fait ce qu'il fallait faire pour remédier à ce remède sans qu'on le sache. Et ce virus mortel n'a pas fait effet de par la grâce d'Allah Azza wa Jal, par une subtilité des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et on peut ne pas savoir du tout parce qu'on n'a pas perçu ce mal-là. Et combien y a-t-il de personnes qui, en fin de vie, on leur découvre une tumeur au point où les médecins disent « Mais comment une telle personne a vécu jusqu'à tel âge sans ressentir de douleur ?» Ajib. On connaît, il y a une personne que je connais, proche, avait tout son cerveau enveloppé d'une tumeur. Il était arrivé en fin de vie, là, il ne s'est jamais plaint de cela. Quand il est parti faire un scanner, le médecin il a dit « Mais comment ça? T'as pas mal à la tête? Tu te plains pas ?» Non, rien, alhamdoulilah, je vais très bien. Allah Azza wa Jal. Donc, et également, ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal, on peut les percevoir comme on peut ne pas les percevoir. Et également, on peut s'y attendre comme on peut ne pas s'y attendre. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jal qui peuvent nous atteindre de par le billet ou le bien de ce nom, Al-Latif, peuvent passer par des chemins tortueux. Des fois, pour arriver à ces finalités, on doit passer par des difficultés, par des épreuves, par des pertes, par des tristesses, par des douleurs. Mais la finalité sera de grands bienfaits d'Allah Azza wa Jal. L'exemple le plus simple, c'est l'histoire de Yusuf alayhi salam. L'autre exemple le plus simple également et le plus apparent pour nous, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, si vous vous remémorez rapidement sa vie, son père est né avant qu'il ne naisse. Sa mère est morte. Son père est mort avant qu'il ne naisse. Sa mère est morte alors qu'il était jeune enfant. Etc. etc. Et vous connaissez toute l'histoire. Et la finalité, Allah Azza wa Jal a fait qu'il a été la cause de la guider d'une grande nation. Et vous connaissez l'histoire encore une fois. Mais pour arriver à cette finalité, notre prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam a dû subir des épreuves difficiles, très très difficiles. Il y a eu des peurs, il y a eu des craintes, il y a eu des douleurs, il y a eu la faim, etc. etc. Ce sens, donc Al-Latif, nous avons dit qu'il a trois sens. Le premier sens, c'est celui qui connaît les choses dans leur profondeur et il connaît ce qui est caché parmi les choses. C'est celui qui fait parvenir ses bienfaits avec douceur et de manière subtile. Et troisièmement, c'est celui dont les gens ne peuvent cerner sa personne, ses attributs, ses noms. Personne ne peut le cerner, subhanahu wa ta'ala. Le second sens, c'est le sens sur lequel on s'appuie beaucoup dans ce cours, parce que le premier sens, on le verra, Inch'Allah Azza wa Jalla, avec un peu plus de détails, lorsqu'on verra les noms tels Al-Alim et Al-Khabir, Inch'Allah Azza wa Jalla. Donc voilà pourquoi on consacre un peu plus de temps à cette partie du sens de ce nom. Donc dans cette partie, Lutfullah Azza wa Jalla, qui a pour sens le fait de faire parvenir ses bienfaits avec subtilité et de manière imperceptible, certains gens de science ont dit que c'est une forme spécifique et précise de la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah, c'est un attribut qui a pour finalité le fait de faire parvenir les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla à ses serviteurs. Mais c'est global et général, ça englobe toutes les façons, apparentes et inapparentes, en faisant les causes, en ne faisant pas les causes, et ainsi de suite. Al-Latif, ça concerne uniquement les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla qui parviennent aux gens de manière douce et subtile. Donc c'est une partie, spécifique de la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lutfullah, les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla subtils et imperceptibles sont de deux types. Général et spécifique. Le premier, le général, c'est ce qui englobe toute la création d'Allah. Les croyants et les non-croyants, les humains, les djinns et les animaux et le reste de la création d'Allah, tous ceux-là sont touchés par le sens général de ce nom. Car tous dépendent des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Et tous aussi sont touchés par des bienfaits subtils venant d'Allah. Ne voyez-vous pas que des personnes non musulmanes, des mécréants, qui sont touchés par des bienfaits subtils d'Allah Azza wa Jalla. Ça c'est un aspect. Même les animaux, même les plantes, tout cela sont touchés par des bienfaits subtils d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après il y a Al-Latif, celui qui fait parvenir ses bienfaits de manière subtile et inapparente. Il y a un sens qui est spécifique aux croyants et aux bienfaisants parmi les serviteurs d'Allah. Donc ceux-là, ils auront une part spécifique. Ils auront la plus grande part et la meilleure des parts. La part qui leur sera profitable et bénéfique dans ce bas monde et dans l'au-delà. Alors que le mécréant, qui a refusé la foi, qui a rejeté de croire à son Seigneur, il vivra dans ce bas monde par ses subtils bienfaits d'Allah Azza wa Jal, mais ils ne lui seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Alors que le croyant, les subtils bienfaits d'Allah Azza wa Jal l'aideront dans cette vie et dans l'au-delà. Je vous demanderai, mes frères en Allah Azza wa Jal, de mettre dans un coin de votre tête ce second type. Le sens spécifique qui concerne le croyant et le bienfaiteur. Nous aurons besoin de ce sens-là si Allah Azzawajal nous permet, dans soit la fin du cours, soit plus tard, pour citer une exhortation liée à ce nom et liée au fait d'être pieux, d'être sur le droit chemin, qu'Allah Azzawajal nous facilite cela. Amen. Cheikh Abdelrahman Saadi, rahimahullah azzawajal, a dit « Combien Allah a-t-il de bienfaits inapparents et subtils dont les compréhensions des gens n'atteint pas et dont les gens n'arrivent même pas à imaginer. » En effet, en vrai de vrai, nous baignons dans les bienfaits d'Allah. Nous sommes englobés, entourés, submergés par les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Beaucoup de ceux-là sont apparents et encore beaucoup, peut-être beaucoup plus, sont inapparents. On peut percevoir quelques-uns. Alhamdoulilah, voilà, j'ai la santé, j'ai deux mains, deux bras. Alhamdoulilah, je pars, j'entends, je vois. Ça, c'est pas le haut de l'iceberg. C'est une partie infime des bienfaits d'Allah. Et si vous cherchez à dénombrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, vous ne pourrez pas. Donc, ces bienfaits subtils venant d'Allah Azza wa Jal, il se peut que des personnes ne les comprennent même pas, ne les voient même pas. Ils n'arrivent même pas à les comprendre. Des exemples, il se peut qu'une personne soit touchée par un virus qui peut être mortel. Et il se peut que cette personne, sans savoir, fasse une chose qui en vrai est un remède. Elle le fait sans savoir, c'est une habitude. Et ce remède, de par la grâce d'Allah Azza wa Jal, prend le dessus sur le virus et la personne n'a même pas ressenti le mal et n'est pas touchée par le mal. Elle a guéri avant même de ressentir. Comment cette personne pourra savoir qu'elle a été touchée, ensuite Allah a fait que ? Elle ne saura même pas. Mais en vrai de vrai, ce bienfait d'Allah Azzawajal existe en elle. Et combien y a-t-il de choses ? Alhamdulillah, Allah nous a guidés, à notre époque, où nous a guidés dans cette communauté. Beaucoup parmi nous, lorsque on subit une épreuve, Allah nous a guidés pour dire que, alhamdoulilah, cette épreuve a sûrement été une cause pour éviter une épreuve plus grande. Les vacances viennent de passer il y a quelques mois. Combien de personnes ont voulu prendre la voiture pour aller en vacances et la voiture, le dernier moment, elle ne veut pas démarrer. Il roule avec une année entière. Le jour où il veut partir en vacances, elle dit « je ne bougerai pas d'ici ». Alhamdoulilah, beaucoup parmi nous disent « Allah nous guide ». Alhamdoulilah, peut-être que je serais parti, peut-être j'aurais eu un accident, et moi et ma famille, on aurait eu des pertes. De même, pour le voyage, pour une raison quelconque, tu perds ton avion, ou il y a un problème dans ton billet, ou il y a un problème dans ça, tu perds l'argent, tu dis « Ah, j'ai perdu de l'argent, je voulais partir en voyage ». Mais après, Allah nous guide, dit « Malish, il y a sûrement un bien derrière cela ». Et ainsi de suite, dans plusieurs choses que nous subissons, Allah Azza wa Jalla nous guide. Et effectivement, sans l'ombre d'un doute, si on est des personnes sur le droit chemin, tout ce qui nous arrive de par la grâce d'Allah a pour finalité un bien pour nous. Et comprenez, j'ai dit comme finalité. Et j'ai éloigné mes deux mains pour dire qu'il se peut qu'il y ait entre-temps des épreuves, des difficultés. Mais il faut être sûr que la finalité est bonne. Et Allah Azza wa Jalla est plus sage et plus savant. Donc après cela, comme je vous avais dit, il m'a paru pertinent et profitable, Inch'Allah Azza wa Jalla, et Allah est plus sage et plus savant, de citer quelques exemples rapportés par Cheikh Abdelrahman Saadi, ce grand savant, ce grand imam qu'on revoit souvent cité dans plusieurs domaines. C'est pour ça qu'on dit que c'est un érudit, un verset en science, il avait une science encyclopédique, rahimahullah Azza wa Jalla. Dans un de ses livres, il s'est étalé en donnant des exemples sur l'explication de ce nom et sa mise en pratique. Alors qu'habituellement, il ne s'étale pas trop. Donc j'ai choisi, je n'ai pas pris tout parce que c'est assez long, et des fois c'est un peu complexe pour expliquer. Donc j'ai pris les plus apparents, les plus proches de, no, de nous, de notre compréhension, de notre vie de tous les jours, et j'ai rajouté le premier qui est le suivant. Le premier, qui n'a pas été cité par Cheikh Abd al-Rahman Saadi, c'est le verset dans lequel Allah Azzawajal a dit, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Qur'an, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable, et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Il ne comptait pas. Donc ce verset, en vrai, il cite les bienfaits, des bienfaits d'Allah subtils et inapparents. Celui qui craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Là où c'était compliqué pour lui, là où c'était difficile, là où il est risqué gros, parce qu'il a craint Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal lui donne une issue favorable et subtile. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Il lui accordera des bienfaits, des risques, des dons, des grâces, par des moyens où il n'attendait pas. Lui, il était focalisé sur là, et Allah Azza wa Jal lui donne des bienfaits de droite à droite et à gauche, et par en haut et par en bas. Donc ça c'est quoi? Ça c'est l'utfullah. Ça c'est la bienfaisance d'Allah Azza wa Jal subtile et inapparente. Cheikh Abd al-Rahman Saadi a cité comme exemple, si Allah a attribué ses dons, donc il a dit, rahimahullah, fait partie des bienfaits subtils d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs, le fait qu'il aura prédestiné une subsistance qui dépend de sa science, de ce qu'il aurait utile et profitable, et qui n'est pas basé sur ce que eux veulent. Car il se peut que les gens, ses serviteurs, veulent des choses et que l'opposé soit meilleur pour eux. Alors Allah Azza wa Jal leur prédestine ce qui est meilleur pour eux, même s'ils ne l'aiment pas, de par clémence de sa part et bonté et bienfaisance. Allah a dit subhanahu wa ta'ala, selon la traduction approximative et rapprochée des sens du Qur'an, si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur terre. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut, il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. En gros, Allah Azza wa Jal, de par son lotf, sa subtile bienfaisance, il accorde à ses serviteurs une subsistance des dons et des grâces selon ce que lui, subhanahu wa ta'ala, sait qui est bien et profitable pour ces gens. Et non selon ce que eux veulent. Parce que les gens veulent toujours beaucoup et plus et mieux. Mais ce beaucoup, ce plus et ce mieux, en vrai de vrai, peut être la cause de leur perte dans ce bas monde et dans l'au-delà. Prenons comme exemple le risque, comme a cité le Cheikh. Qui parmi nous ne veut pas être riche? Qui parmi nous ne veut pas avoir un compte bancaire avec des zéros à l'infini? Qui parmi nous ne veut pas avoir une voiture et deux et trois, tel modèle et tel autre modèle? Qui ne veut pas avoir une maison ici et là-bas et ailleurs? Qui parmi nous ne veut pas voyager à tout temps? Qui parmi nous, lui ou sa femme, n'ont pas comme rêve de rentrer dans des magasins et prendre les articles sans voir le prix? Eric, tous. Demande à ta femme, elle va te dire. Son rêve, c'est rentrer dans un magasin, prendre ce qui lui plaît, donner la carte et sortir. Ça coûtait combien? Je ne sais pas. Tous sont comme ça. Combien parmi nous se privent? Ah oui, ce mois-ci, c'est un peu compliqué. Mon fils, t'achète pas, tiens un bonbon, je te fais un gâteau. Donc, l'être humain est créé avec cette volonté, ce besoin de vouloir toujours. Et bien sûr, on se dit tous, t'inquiète, la prière, je ne jouerai pas, jamais. Le haram, je ne m'approcherai pas, parce que Allah m'a donné dans le halal, moi je vais dans le haram. Mes obligations, je les ferai, les interdits, je ne les toucherai pas. Mais qui restera ferme sur ses prétentions? Combien de personnes ont commencé? Ça malish, darora, c'est une nécessité, je fais. Ça, c'est compliqué pour moi. Si je ne fais pas ça, je vais perdre telle et telle chose, je fais. Je ne dis pas que c'est haram à tous les bouts, hein, à tout bout. Hein. Juste pour montrer comment on peut être dans une droiture et ensuite on commence à se permettre des choses. Et après, il y a des gens qui te disent, oui, il y a une fatwa qui autorise ça. Non, avant de dire ça, ils disent, oui, il y a un khilaf. Khilaf de quoi? Oui, il y a un khilaf. Il est où le khilaf qui t'a dit, où tu l'as lu, où tu l'as entendu? Oui, au fait, un pote à moi m'a dit qu'un pote à lui a dit qu'un cheikh a dit. Ce cheikh, c'est qui? Je sais pas, c'est sûrement un cheikh, c'est sûrement un Uthaymine que nous, on ne connaît pas. Ah oui. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne, à ce moment-là, dit cela? Parce qu'elle est tellement attachée à avoir ce risque, ce gain, cette réussite, qu'elle se prétend des excuses et des voies légiférées, alors qu'au fond d'elle, elle sait bien que non. Elle sait pertinemment que non. Les personnes, vous pensez que les personnes qui ont fait des prêts bancaires sont tous des mauvaises personnes. Des fois, il y a des gens qui sont de base bien. Comme nous, on dit, c'est une bonne personne de base. C'est des épreuves. C'est des épreuves qu'ils ont pensé, ils ont pensé, ils ont estimé. Il y a quelques gens qui disent ceci, cela, alors ils ont fléchi. Donc, tout ça pour dire quoi? Que des fois, le risque peut être une cause de la perte. Combien de personnes, vous savez bien, beaucoup parmi vous ont des projets, beaucoup parmi vous travaillent, beaucoup parmi vous ont fait des choses dans leur vie, et vous savez que lorsque vous êtes dans des projets, des fois ça déborde. Voilà, moi je vais travailler chez moi, comme ça je suis maître de mon temps. Et ceux qui travaillent chez eux savent qu'ils ne sont jamais maîtres de leur temps. C'est eux qui travaillent plus que tout le monde. Quand tu travailles plus, donc tu vas déborder, j'ai pas le temps d'aller à la mosquée, j'ai pas le temps de faire ci. Combien il y a des gens qui étaient dans les premiers rangs pour la prière ou bien pour les cours. Après, ils disent finalement, maintenant j'ai plus de temps, j'ai trop d'occupations, j'ai trop de devoirs. Encore une fois, je ne dis pas que c'est forcément haram. Hein. Mais des fois, c'est des pas qui t'écartent, qui t'écartent, qui t'écartent. Et la finalité, ce sera où? Allahu Akbar. Et chacun est différent. Des fois, quand on est dans des projets, dans de l'argent, toi tu as un projet avec beaucoup de zéros. Tu dois serrer la main à une femme. Qui va te dire, oui, j'accepte de ne pas serrer la main à une femme, même si je perds ce contrat? Qui? Très difficile. Alors que tu sais que tu as énormément besoin de cet argent. Serrer la main à une femme ou autre chose. Hein. Des fois, il y a des choses, un petit pot de vin. Tu te dis, voilà, je te donne le marché, mais voilà, tu me donnes ça. Toi, tu sais que c'est la yajouz, mais voilà, c'est. Encore une fois, tu vas chercher des excuses pour le faire. Oui, c'est un kafir, peut-être c'est pour lui faire la da'wa, peut-être, peut-être, peut-être, peut-être. Et donc, ce risque-là, lorsqu'il est trop ouvert, trop étalé, ça peut être une cause, dans un certain nombre de cas, pour passer du halal au haram, de la droiture, de la piété vers l'autre bord, Wallahu alam. Que Allah nous en préserve. Donc la parole de Cheikh Saadi rahimahullah va dans ce sens. Allah Azzawajal, de par sa subtile bonté et son subtil bienfait, c'est qu'il accorde à ses serviteurs la subsistance qui leur est convenable et bien. Et selon ce que Allah sait, il ne leur accorde pas une subsistance selon ce que eux veulent. Parce que ce que eux veulent peut être la cause de leur dérive. Et même si les gens, ah oui, je voulais avoir ce projet, wallah, je voulais prendre ce job, wallah, je voulais avoir cette chose. Et après, on est dégoûté, on est triste. Bah, mais en vrai, de vrai, si les gens, si Allah ouvrait les portes de l'invisible aux gens, ils verraient, ils seraient étonnés combien les bienfaits d'Allah étaient grands sur lui en le privant de cette chose à laquelle il était attaché. On parle souvent du fait qu'une personne peut se détourner du droit chemin à cause du risque. Mais peut-être c'est pas toi qui vas te détourner. Peut-être qu'Allah va te raffermir. Il se peut. Alhamdoulilah, tu fais attention, tu fais des doigts et tout. Allah va te raffermir. C'est possible. Mais qu'est-ce qui garantit que ta femme sera raffermie? Ta mère, ton père, qu'est-ce qui te garantit que tes enfants seront raffermis? Tu vas pas rester indéfiniment sur cette terre, le jour où tu vas mourir, est-ce que l'héritage que tu as laissé, que tu auras laissé parce que tu as été riche, Est-ce que ça serait la cause d'une grande scission dans la famille ou pas? Donc, peut-être qu'Allah Azzawajal te prive d'avoir une grande richesse, non pas à cause de toi, mais peut-être pour préserver tes enfants, pour préserver ta femme, pour préserver tes parents, etc., etc. Des choses auxquelles nous n'avons même pas imaginé, n'avons même pas idée. Voilà pourquoi Cheikh Saadi a dit, parmi les bienfaits d'Allah Azzawajal, il y a des choses que les gens n'arrivent même pas à imaginer, n'arrivent même pas à penser. Ensuite, la preuve de cela, c'est le verset dans lequel Allah a dit, selon la traduction, « Si Allah attribuait ses dons avec largesse à tous ses serviteurs, il commettrait des abus sur terre. Mais il fait descendre avec mesure ce qu'il veut. Il connaît parfaitement ses serviteurs et en est clairvoyant. » Parmi les bienfaits d'Allah Azzawajal sur ses serviteurs, des bienfaits subtils et inapparents, c'est le fait qu'Allah Azzawajal prédestine que la personne soit éduquée, grandisse et soit éduquée par le soin des gens de la droiture, de la science et de la foi. Que ce soit des parents, des proches, que ce soit des amis ou des, ou des, ou, que ce soit des amis ou des collègues, que ce soit des enseignants, des savants, que ces personnes-ci soient parmi les gens de la sunna, de la piété et de la sagesse. En effet, les gens suivent l'enseignement de manière générale, la règle, c'est qu'ils suivent l'enseignement de leur éducateur. Et le fait, si l'éducateur était sur la droiture, il te donnera une bonne éducation. Et si au contraire ton éducateur était sur un égarement, ne va pas attendre de lui qui te donne une bonne éducation. Si tu as un père qui t'éduque, réveille-toi pour faire la prière. Fais si, ça c'est haram, ne fais pas attention à ces choses-là. Si tu as une mère qui se dispute avec toi à cause de ça, mon fils, pourquoi tu fais pas ça? Mon fils, pourquoi tu fais si? La seule chose qui soucie cette mère, c'est que tu fais du haram. Tu fais du haram, ça veut dire que tu te mets sur des rails qui peuvent très possiblement t'emmener vers. Et cette maman peut craindre pour toi, peut avoir peur. C'est la peur, c'est l'amour qu'elle a pour toi. Combien parmi nous on voit des gens qui parmi nous ne rentrent pas dans des centres commerciaux, des rayons d'alcool. Ça, c'est eux qui boivent. On ne se soucie pas. Combien parmi nous on voit des gens qui sont dans des péchés, dans la mécréance, dans des bid'ahs. Ça ne me concerne pas. C'est sa faute, c'est lui qui a choisi, je m'en fiche. Mais des fois, il y a des gens, wallah, il y a des gens qui combattent. Ils combattent. On se comprend. Pour que son fils, que sa fille, des fois, pour que le père, que la mère, ne vont pas dans un mauvais chemin. Et ils acceptent la dispute. Ils acceptent, comment dire, les problèmes. Ils acceptent beaucoup de choses. Ce n'est pas par amour de ces choses, de ces problèmes-là. C'est par amour à cette personne. Combien y a-t-il de gens qui disent à leur fils, fais ce que tu veux. Vous savez bien, dans certains endroits, il y a des gens, le fils y sort, le matin, il rentre en soirée ou en fin de soirée. T'as fait quoi? Je ne sais pas. Il a fait quoi? On ne sait pas. Il était où? On ne sait pas. Avec qui? On ne sait pas. Il a des choses, comment il s'est procuré? On ne sait pas. Maliche, tant qu'il ne me fait pas des problèmes à la maison, maliche. Et ce qu'il fait dehors, c'est... Et s'il me ramène de l'argent, oh, alhamdoulilah. Et comment tu peux ramener de l'argent? Comment tu peux ramener des gros billets? Comment tu peux acheter des belles choses? Alors tu ne travailles pas. Donc, le parent qui ferme les yeux, ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais celui, au contraire, qui, toujours derrière toi, réveille-toi, prie, fais ça, travaille à l'école, va travailler, ne sois pas feignant. Si, pour ton bien, et uniquement pour ton bien. Donc, le fait d'avoir un parent comme ça, le fait d'avoir un époux, des fois, il y a même des épouses. Combien y a-t-il eu d'épouses qui ont été la cause de la guidée de leur mari? Et vice-versa, combien y a-t-il de maris qui ont été la cause de la guidée de leurs épouses? Donc, le fait d'avoir cela, et également les enseignants, le imam de la mosquée, l'enseignant qui fait des cours, le shir que tu écoutes, les livres qui te sont procurés, tout ça, c'est un grand bienfait d'Allah, c'est un bienfait subtil d'Allah. Il te le fait parvenir sans que tu y attendes, sans que tu cherches. Il te le met sur ton chemin. Oui, je veux lire un livre. Tu vas dans la bibliothèque de la maison, il n'y a que des livres de la sunna. Tu vas t'imprégner de la sunna. Mais si au contraire, on avait grandi dans un pays où il y a des chiites rafidites, où il y a des soufis, où il y a des pervers, quel aurait été notre sort à nous? Certes, la guide qui veut, ça c'est connu, ça c'est, on n'en parle même pas. Mais la règle, c'est que très majoritairement, les gens reproduisent ce sur quoi ils ont été éduqués. Donc le fait que nous soyons sur ce que nous sommes parce qu'on a eu des circonstances qui ont fait que, ces circonstances qui ont fait que, c'est des bienfaits venant d'Allah, Azzawajal. Un père que tu vois prier à la maison, même s'il ne te dit pas « va prier », juste le fait qu'il prie, tu le vois, c'est un exemple, c'est un modèle. Une mère qui met son voile, qui lit le Coran, qui met le Coran à la maison. Elle l'a fait pour elle, elle n'a peut-être même pas pensé à toi. Mais Allah Azza wa Jal a fait ça comme cause subtile et cachée pour que toi, tu sois sur ce droit chemin, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Imaginez si nos savants qu'on suivait, c'était des gens égarés. Ils nous auraient convaincus de leur égarement. Et on l'aurait suivi, pensant que c'est le droit chemin. Donc ça, c'est des bienfaits d'Allah Azza wa Jal subtils qui nous accorde. Et Allah Azza wa Jal a toutes les louanges, subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal subtils sur son serviteur ou ses serviteurs, le fait que Allah Azza wa Jal prédestine une bonne action pour une personne. Et cette action ne peut être réalisée par une personne seule. Alors Allah Azza wa Jal accorde à cette personne des personnes qui viennent l'aider, la soutenir et accomplir avec elle cet acte. Et ceci est une chose qui est connue. Allah Azza wa Jal l'a dit dans le Coran, selon la traduction, c'est lui qui t'a soutenu par son secours ainsi que par l'assistance des croyants. Allah Azza wa Jal a soutenu le prophète alayhi salam par son secours, par son aide, mais aussi parmi les formes de l'aide d'Allah Azza wa Jal, c'est le fait d'avoir mis sur son chemin autour de lui des compagnons qui l'ont aidé. Parce que le prophète alayhi salam ne pouvait pas être sur tous les fronts, ne pouvait pas être partout, ne pouvait pas faire tout. Il faisait ce que personne ne peut faire, mais ça n'aurait pas suffi à lui seul. Alors Allah Azza wa Jal a mis sur son chemin d'autres compagnons, des compagnons qui l'ont aidé. Même Moussa alayhi salam, parce qu'Allah Azza wa Jal lui a donné la révélation, il a demandé qu'Allah Azza wa Jal lui accorde un soutien, son frère. Il dit, accorde-lui à lui aussi la révélation, comme ça on sera deux, on s'entraidera. Pour quelle mission? La mission de la guider de la population des enfants d'Israël. Et quelle était grande cette population. Il savait que c'était difficile, une lourde mission, alors il savait qu'il avait besoin d'aide. Il a demandé l'aide à Allah, Allah lui a donné. Et ceci s'applique sur toute chose, même les savants de notre époque. Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Ibn Baz, la majorité de leurs livres que vous connaissez, la majorité, c'est pas eux qu'ils ont écrit, Cheikh Abd al-Zak al-Badr. La majorité de leurs livres, c'est des cours qu'ils ont fait, des cours, des conférences. Et eux, ils n'avaient pas le temps de faire un livre, d'écrire, de citer les références, de corriger les erreurs, de corriger les essais avant l'édition, de vendre. Ils n'avaient pas le temps pour tout ça. Alors eux, ils faisaient le cours et Allah Azza wa Jal a mis sur leur chemin des gens qui viennent les aider, les soutenir. Ils viennent faire l'autre partie des tâches. Et c'est pour ça, et avec ces personnes-ci, Allah Azza wa Jal a propagé leur science. Encore une fois, la majorité des livres de Cheikh Fawzan, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Bimba, Cheikh Abdelaziz Al-Sheikh et beaucoup d'autres, c'est des personnes qui les ont aidés à faire ces livres. Des fois, c'est des gens comme vous et moi, des musulmans du commun, des petits talibins qui ont retranscrit les cours. Ensuite, c'est des gens de science, des fois c'est des docteurs, des fois même c'est des savants qui prennent la mission de corriger, de citer les références, de citer les hadiths, ils sont authentiques ou pas, à vérifier, à réfléchir ce qu'il a dit là, à ce qu'il voulait le dire ou pas. Un grand, grand travail derrière. Le shir ne pouvait pas le faire. Alors Allah Azza wa Jal a mis sur son chemin des telles personnes dévouées pour la bonne mission qui est la mission de transmettre la religion. La même chose dans les mosquées. Et nous, dans notre association, c'est la même chose. Et dans les mosquées partout, ici ou ailleurs. Est-ce que vous connaissez une mosquée qui est tenue par une seule personne? C'est impossible, inimaginable. Quelle que soit cette personne-ci. Et si, par nécessité, une personne venait à le faire, elle ferait ce qu'elle peut. Mais dans les mosquées, il y a besoin du mu'addin, il y a besoin du imam, il y a besoin du khatib, il y a besoin de ceux qui ouvrent la porte et ferment la porte, il y a besoin de plein de personnes. Les personnes qui font la quête des dons à la mosquée, etc. Il y a des personnes qui doivent partir dans d'autres villes pour réunir l'argent, ainsi de suite. Et nous-mêmes ici, si ce projet est reposé sur une seule et unique personne, je vous assure qu'il ne tiendra pas un jour. Parce que qui va faire et les cours, et préparer les cours, et répondre aux gens, et ouvrir la porte, et fermer la porte, et nettoyer? Qui va faire les sandwichs que vous aimez bien? Qui va récolter de l'argent? Qui va faire des récoltes alimentaires? Qui va emmener les récoltes aux ayants droit? Qui, tout ce que vous voyez, tout ce que vous ne voyez pas, il est impossible que ce soit fait par une personne, ni par deux. Et Allah Azza wa Jal met sur le chemin des personnes qu'ils acceptent, qu'ils veulent bien. Par exemple, juste une petite anecdote par rapport à notre projet. Depuis l'époque de Rosé, à un moment donné, il y avait une personne qui était présidente de l'association. Une personne très vive, très, très vivante, il n'avait peur de rien. C'était c'est une personne qui avait des résultats. Un jour, il a dit, les frères, moi je m'arrête, je pars. Intérieurement, je me suis dit, qui? Allah a mis une autre personne qui a pris les reins des choses aussi bien que la première, voire mieux. Cette deuxième personne a dit, les frères, moi je pars, j'ai fait ma part, maintenant c'est fini. Qui maintenant? Qui? Il n'y a pas, surtout Nantes, on se connaît, on ne connaît personne. Allah a mis des gens. À un moment donné, on était une vingtaine de personnes dans l'association. Presque 20, 19, 20. Et au fil du temps, les gens commençaient à partir. Ceux qui ont fait la hijra, ont fait la hijra. Ceux qui ont changé de ville, ont changé de ville. Ceux qui sont retirés, sont retirés. Après, on était une poignée de personnes. Cette poignée de personnes est restée un certain temps. Après, beaucoup parmi eux ont dit, les frères, moi je dois partir. Pour une raison, pour une autre, quelle que soit la raison. Et telle personne, ah oui, il y a tel moteur, cette personne c'est un moteur. Je dis, si lui il part, je ne sais pas comment on va faire. Eh bien, il est parti, Allah a mis une autre personne, a mis d'autres personnes avec un S, qui ont pris la place et qui ont comblé le vide et qui ont donné des résultats inimaginables. Donc ceci c'est quoi? C'est des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Toi tu crois que ça y est, c'est fini, c'est foutu, il n'y a personne pour prendre le projet et tout, mais Allah met des personnes que tu n'imagines pas, te facilite, que les gens se dévouent. Subhanallah, sur plusieurs choses, le Cheikh Ali va vous parler après, Inch'Allah Azza wa Jal, sur le projet de don de livres de Coran en français. Subhanallah, l'annonce a été mise en même pas 24 heures environ. La moitié a été donnée. Sur 580 euros, en 24 heures. Presque la moitié a été donnée. C'est qui ces personnes? Des fois tu les connais, des fois tu ne les connais pas, des fois c'est des petits dons, des fois c'est des grands dons. Il n'y a pas de petits dons. Le petit don au sens que c'est une petite somme, mais peut-être c'est une richesse pour la personne qui a donné. Donc encore une fois, tout ça pour dire que Allah Azza wa Jal met sur le chemin de celui qui doit accomplir une grande mission, comme les savants, comme Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab par exemple, il met sur le chemin des personnes qui viennent les soutenir et les aider pour que s'accomplisse cette mission qu'Allah Azza wa Jal aura voulu. Donc, Qadarullah, j'avais d'autres choses à citer, mais le temps ne nous a pas suffi. Et Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut, c'est lui le sage et le plus savant. Donc, par contre, Inch'Allah, ce que nous avons dit peut suffire, Inch'Allah, et peut être une porte ouverte à beaucoup d'autres exemples. Et je ne doute point que tout ce que je vous ai dit, vous le connaissez déjà et mieux. Et que ce que je n'ai pas dit, vous le connaissez également, Inch'Allah, Azza wa Jal. Et le but principal de tous ces propos-là, c'est connaître notre Seigneur Azza wa Jal à travers ses noms et ses attributs. Parmi ceux-là, ses bienfaits et ses grâces sur nous, qu'elles soient apparentes ou inapparentes, qu'elles soient cachées ou visibles, qu'on aperçoit ou qu'on n'aperçoit pas. Il faut toujours avoir ce sentiment. C'est pour ça que parmi les noms d'Allah Azzawajal, il y a le nom Allah. Allah a pour sens celui qui a les attributs qui méritent qu'il soit adoré. Parmi ces attributs, c'est Al-Latif, le bienfaiteur subtil qui te comble de ses bienfaits sans que tu le saches, sans que tu le perçoives, sans que ça te choque, sans que ce soit difficile, et que la finalité, c'est toujours un bien pour toi. Donc, le fait de connaître cela, d'apprendre cela, de réfléchir à cela, de méditer et de s'éduquer, et le fait de voir ces quelques exemples, ça veut dire que si demain, tu vas vivre une chose simple. Maintenant, comme mon fils m'a dit, là actuellement, tout ce que tu vois l'autre Allah Azza wa Jal. Parce qu'en préparant ce cours, tu ouvres les yeux. Et lui dit Subhanallah. La semaine passée, un frère m'a offert un gâteau à la fin du cours. J'avais le même, je devais faire attention à ce que je mange, donc j'ai dit je veux pas. Il m'a dit prends, je veux pas, prends. Je l'ai pris. Mon fils était dans le bureau. Ah, ça c'est pour toi, ça fait partie de l'autre Allah. Allah a voulu que ce soit toi qui le prenne et il a fait en sorte que j'ai ce gâteau et je le donne. Il m'a dit ok, merci. On est rentré à la maison, il l'a posé sur la table. Sa mère, elle a vu, ah oui, c'est un gâteau dont je goûte. Son frère a vu sa mère croquer, il a croqué. Et le deuxième, il a vu son frère a croqué, il a croqué. Et le dernier, qui, j'ai dit que c'était pour toi, il a pris le dernier croc. Et là aussi, c'est une subtilité des bienfaits d'Allah. Allah a voulu que tous ceux qui ont mangé, en mangent, d'une certaine manière. Quand vous voyez ça, vous dites ça sur toute chose. Vous appliquez ça sur plein de choses et vous direz Subhanallah. Et quand on sentira cela se réaliser, on aura cette confiance. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Abu Bakr, « La tahzan, inna Allaha ma'ana. » Ne sois pas triste, Allah est avec nous. T'inquiète, si tu es sur le chemin d'Allah, si tu es dans le service d'Allah, je ne sais pas si c'est correct de dire ça, dans l'adoration d'Allah, dans la servitude d'Allah, jazakallahu khayran. Si tu es dans la servitude d'Allah Azza wa Jal, de quoi tu as peur? Tu connais qu'Allah Azza wa Jal, tu sais qu'Allah Azza wa Jal est bon, est gracieux, est miséricordieux. Il te comble de ses bienfaits. Donc, tu n'as rien à craindre de ce Seigneur, ce noble, ce majestueux, ce bon. Alors, laisse-le guider ta barque. Laisse-le guider ton bateau. Laisse-le guider ta vie. Et s'il guidait ta vie, ça aurait été beaucoup mieux que si toi-même tu guidais ta vie et tu faisais des choses. Donc, le but, encore une fois, de tous ces cours et ce qui ressort très clairement de ce nom d'Allah Azza wa Jal, c'est d'apprendre à connaître notre Seigneur et de connaître les effets de ces noms et attributs sur nous. Et comment nous, on doit avoir un retour envers lui, subhanahu wa ta'ala. L'amour. Lui accorder sa juste valeur, subhanahu wa ta'ala, et beaucoup d'autres choses qui en découlent, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cela. Hada wallahu a'lam wa barakallahu fikum wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.